Chapitre 14e. Pushkin. Alors, se levant, Paulin Broquet vivement courut à l'une des portes-fenêtres donnant sur le jardin. En pénétrant dans la salle des armures tout à l'heure, le détective avait remarqué que ces portes étaient masquées par des rideaux qui ne permettaient pas de voir du dehors ce qui se passait dans la salle. Aussi, tranquillement, avait-il pris la place que lui indiquait le général, sachant que si l'on rôdait autour de la maison, on ne pourrait l'apercevoir. Pour cela, il lui fallut pénétrer par le petit salon dont il eut soin de cadenasser les portes, ainsi que nous le lui avons vu faire, et dont il aménagea la porte-fenêtre comme un piège qui venait de produire son effet. Dès que le bruit de la chute de la statuette se produisit, il courut à l'une des portes-fenêtres de la salle des armures et souleva légèrement l'un des rideaux. Il vit ce qu'il voulait voir, car en souriant il murmura « Bon, ça va bien ». Puis se tournant vers le général, il lui dit « Général, vous avez un jardinier, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Voulez-vous me le montrer, je vous prie, mon jardinier ?»« Vous croyez que c'est lui qui se permettrait ?»« Non, je tiens seulement à le voir. »« Dans quel but ?»« Veuillez me permettre de ne pas vous donner encore d'explications, mais soyez persuadé que je travaille dans votre intérêt. »« Général, dès ce moment, je ne fais rien qui ne soit en faveur de Johanna. » Je vous prie donc de me permettre d'agir sans contrarier mes demandes. » Le général fit un signe à Ossip. « Va chercher Pushkin, » dit-il. Et pendant que son intendant, tout ému encore, s'éloignait, le général se versa un autre verre de vodka. Quelques instants s'écoulèrent, silencieux. Ossip reparut avec le jardinier. Pushkin était un homme de taille assez grande, gros, la figure encadrée d'une barbe roussâtre, broussailleuse, la tête couverte d'un bonnet, d'où s'échappaient les cheveux coupés en rond à la base des oreilles. Il offrait le type parfait du moujik. Il entra tout tremblant, roulant de gros yeux, très anxieux d'être amené ainsi devant le maître, se demandant quelle faute à son insu il avait pu commettre et calculant la dose de coups de bâton dont on allait le gratifier. Paulin Broquet le regarda quelques instants, l'examina, l'étudia. Puis il dit au général « Merci, ça me suffit. » « Va-t'en, ver de terre !» cria le général à Pushkin, qui ne se le fit pas dire deux fois, tout heureux d'en être quitte à si bon compte. Quand il fut sorti, Paulin Broquet dit au général « Cet homme nous sera extrêmement utile. »